professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel partage de territoire au sens strict réalisent les Chipayas de Bolivie et quel rôle joue la tour de leur église? Comment des collectifs analogistes peuvent-ils fonctionner sans un point de vue intégrateur, sans un principe de totalisation incarné dans un agent humain comme l'Inca? Philippe Descola, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature, poursuit sa grande enquête sur les genres de rapport à la Terre que les collectifs analogistes, non modernes, ont développés dans le cadre de sa série pluriannuelle intitulée « Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité ». À la suite d'Alfred Métro et de Nathan Vachtel, Philippe Descola nous introduit à la dure existence des habitants du village de Chipaya, collectif d'un petit millier de personnes vivant sur des terres dont il faut cycliquement laver le sel. Après l'Ailou de Macha et les Seques de Cusco, c'est encore un de ces modèles andins originaux qu'il analyse. Ici, la question se pose de la manière suivante, et je cite Philippe Descola, « Où se situe le principe de totalisation qui permet à ce collectif d'exister comme un tout et non comme la juxtaposition de segments d'humains et de non-humains ?» À Chipaya comme à Cusco, note l'anthropologue, à l'issue de son analyse, c'est la centralité d'un site dans lequel des opérations de totalisation sont menées qui le met en situation d'ordonner une structure socio-cosmique dont il devient le point déterminant. La tour de Chipaya et le temple du soleil sont l'un comme l'autre les foyers d'un réseau de coordonnées et d'emboîtements qui fait tenir ensemble les segments humains et non humains du collectif, de sorte que la totalité peut être représentée à partir d'un point de vue. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 22 mars 2017 pour le cours de Philippe Descola, Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui, les Chipayas de Bolivie. Certains collectifs analogistes andins peuvent aussi très bien fonctionner sans un point de vue intégrateur incarné dans une personne. Comment s'opère alors la totalisation des segments qui sont en compétition les uns avec les autres au sein d'un même collectif? C'est ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui avec un collectif analogiste bolivien où l'on retrouve bien des traits du système des Sequés puisqu'il s'agit des Chipayas. Des Chipayas qui sont connus par les travaux d'Alfred Métro qui remonte aux enquêtes ethnographiques que Métro a menées dans cette région dans les années 30, mais qui sont connues surtout par la monographie absolument magistrale que Nathan Vachtel leur a consacrée, et c'était sa thèse de doctorat d'État qu'il a publiée ensuite sous le titre « Le retour des ancêtres » en 1990, qui est à mon sens l'un des plus admirables monuments de l'ethnologie et de l'ethnohistoire du XXe siècle. Je ne dis pas ça simplement parce que c'est un collègue maintenant à la retraite, professeur au Collège de France. Les habitants du village de Chipaya, dans les Andes boliviennes, atteignent à peine le millier de personnes. C'est donc un micro-collectif. Et ils mènent une existence en apparence misérable sur un haut plateau semi-désertique et gorgé de sel de la province du Carangas, à presque 4000 mètres d'altitude, loin, très loin de toutes les aménités de la civilisation. Et pourtant, le monde qu'ils ont composé dans ce milieu inhospitalier est d'une prodigieuse richesse. Et l'on peut y percevoir, à une échelle réduite, toutes les caractéristiques structurelles de collectifs analogistes plus grandioses et plus populeux. De langue Pukina, les Chipaya sont les derniers Uru qui subsistent en Bolivie comme un ensemble autonome, après avoir constitué, au moment de la conquête, près du tiers de la population autochtone du pays. Leur territoire, à la forme d'un rectangle, long d'environ 30 km d'est en ouest, sur une vingtaine de kilomètres de large, bordé au sud par le lac Coipasa. Donc voilà la Bolivie, le lac Titicaca, la passe Oruro est là, et Chipaya est en bordure du lac Copaisa et en bordure de cette grande région de salines qu'on connaît ordinairement sous le nom des salines de Uyuni. Et le territoire, donc, n'est pas très grand. Le village est au centre, Chipaya. Il est divisé en deux moitiés, Tajata et Tuanta. La partie utile de ce territoire est en fait beaucoup plus restreinte que ce que l'on peut voir sur cette carte. Elle se concentre entre les bras du rio Lauca, dans un rayon de 6 à 8 km autour du village de Chipaya, une zone où sont situés tous les hameaux servant d'habitat temporaire aux membres de des deux moitiés, Tuanta et Tajata, lorsqu'ils font paître leurs troupeaux dans une maigre steppe. La frange méridionale du territoire qui borde le lac Copaisa sur une profondeur de 6 à 7 km, qui est indiquée sur la carte comme la zone de saline, est complètement stérile. Ce sont des sables nus, imprégnés de sel, d'un blanc aveuglant. La salinité décroît à mesure que l'on se déplace vers le nord, mais elle ne disparaît pas complètement, ce qui contraint les Chipaya à inonder périodiquement les zones de culture pour laver le sel. Les marges est et ouest du rio Lauca et du rio Mamanica sont arides et dépourvues d'eau, et elles sont également donc impropres à l'agriculture. Pendant longtemps, la base de subsistance des Chipaya fut la pêche et la chasse des oiseaux aquatiques, essentiellement des flamants, mais elle ne joue plus qu'un rôle secondaire à présent, et c'est l'agriculture qui est limitée à la seule production de quinoa, combinée à l'élevage des porcs, des moutons et des lamas, qui fournit à présent les ressources principales et qui commande l'organisation du terroir et de la tenure foncière. Le territoire de Chipaya est divisé dans l'axe nord-sud en deux secteurs de superficie à peu près égale, donc qui sont Tuanta, est, Tajata, ouest, qui délimitent donc le territoire des deux moitiés, qui s'appellent du même nom, et qui correspondent chacune à un Nailu. Le village de Chipaya, qui est situé approximativement au centre du territoire, est lui aussi divisé en deux moitiés dans l'axe nord-sud, chaque moitié se subdivisant en outre en deux quartiers selon un axe ouest-est. Donc les quatre quartiers, qui s'appellent respectivement Ushata, Waruta, Tuanchakta et Tarachakta, se regroupent autour de quatre chapelles et sont chacun occupés par plusieurs lignages, se reconnaissant un ancêtre commun. Donc voilà le plan schématique du village. Donc les deux moitiés, avec deux quartiers dans chaque moitié. L'église est située au nord du village et la division entre les deux moitiés passe à l'intérieur de l'église, non pas dans le prolongement de la division interne au village, mais dans un axe est-ouest. Cette organisation en moitié et en quartier se prolonge sur le territoire avec la nuance que les subdivisions internes dans le territoire ne suivent pas l'ordonnancement orthogonal du village, mais empruntent des limites géographiques, en l'occurrence des lits de rivière. Donc, dans la moitié Tarata, les secteurs Taracharta et Tuancharta sont séparés par une ligne nord-sud, alors que dans la moitié Tuanta, la division est en oblique parce qu'elle suit le lit d'une rivière. Les lignages de chaque quartier du village possèdent dans le secteur du territoire qui leur correspond des hameaux de quelques huttes occupés une partie de l'année et ils bénéficient de l'usufruit des pacages qui entourent ces hameaux, usufruit qui est concédé par l'ailou de la moitié à laquelle ils appartiennent. Et enfin, de même que le territoire se présente comme une projection de l'organisation spatiale du village, l'église en offre un modèle réduit. L'église est dédiée à Santa Ana, qui est la patronne de Chipaya. Elle est commune aux deux moitiés et elle s'élève au nord du village, dans l'espace qui sépare ces deux moitiés. C'est une simple bâtisse en adobe de forme rectangulaire couverte d'un toit de chaume dont la porte, je l'ai dit, ouvre à l'est. Les membres de la moitié Tuanta se placent toujours dans la moitié située à droite par rapport à l'est et ceux de Tarata dans la moitié située à gauche, les hommes étant à droite à l'intérieur de chaque moitié et les femmes à gauche. L'église est entourée d'un patio clos de murs qui est flanqué d'une tour. Donc tout est divisé dans cet axe entre les deux moitiés selon l'axe est-ouest et la tour est ici, avec un petit patio ici et un grand patio là. Aux quatre coins de ces deux patios, le petit et le grand, et sur les quatre contreforts de la tour sont disposés des hôtels sacrificiels qui sont réservés à chacun des quartiers. Leur disposition dans l'espace, c'est-à-dire par rapport à l'est, respectant le schéma quadripartite du village et évidemment du territoire. Les interactions entre les divers niveaux de ces unités emboîtées suivent la logique classique des affiliations segmentaires. Les membres d'un lignage sont solidaires contre les membres d'un autre lignage. Les lignages d'un quartier sont solidaires contre ceux d'un autre quartier. Les quartiers d'une moitié sont solidaires contre les quartiers de l'autre moitié. Et tous les Chipayas sont solidaires contre leurs voisins Aymara. Ce thème de la répétition d'une structure contrastive aux différentes échelles des unités d'affiliation sociale et spatiale apparaît central dans l'organisation du collectif Chipaya. Comme l'écrit Vachtel, je le cite, il constitue le principe d'un véritable schème mental où s'articule un certain nombre de catégories qui ordonnent l'univers. Mais c'est un schème mental qui, comme on le voit, est très concrètement inscrit dans la disposition des lieux. Cependant, toutes les unités ne sont pas équivalentes. Certes, il n'existe pas de supériorité politique d'une moitié sur l'autre, puisque l'exercice de l'autorité se conforme à une alternance régulière selon un principe tout à fait traditionnel dans les Andes. Et la figure, au fond, la plus importante du collectif, c'est l'alcalde, qui qui est désigné chaque année à la tête de chacun des deux Ailou. Il y a donc un alcade par Ailou, par moitié si vous voulez, avec une alternance à l'intérieur de chaque moitié entre chacun des deux quartiers. C'est l'autorité traditionnelle, à la fois civile et religieuse, qui va régler les différends à l'intérieur de l'Ailou, qui va diriger les travaux communautaires, sous l'autorité de qui les lots de culture sont redistribués tous les ans, et il représente aussi, ce personnage, l'alcade, tous les membres de sa moitié dans les conflits qui pourraient les opposer aux membres de l'autre moitié. Et il est en outre responsable des nombreux rites qui ponctuent la vie de la communauté. Alors, il existe bien une autre sorte d'autorité supérieure au village, c'est le corregidor. C'est là aussi une fonction qui est attribuée alternativement chaque année à l'une des moitiés, mais la fonction de ce personnage qui fait un peu office de juge de paix et surtout de représenter le village de Tipaya auprès, à l'extérieur, donc auprès des autorités et de l'administration bolivienne. Bref, en matière de charges politiques et de charges religieuses, chaque moitié, chaque Ailou, est en réalité parfaitement indépendant. Sans compter que, comme c'est le cas ailleurs dans les Andes, ces charges qui apportent du prestige, sans doute, à leurs détenteurs, sont aussi très onéreuses pour ceux qui les reçoivent, qui les exercent, puisque non seulement ils ne sont pas rémunérés pour remplir ces charges, mais qu'ils sont en outre tenus à une obligation de générosité vis-à-vis de ceux dont ils ont la responsabilité. Ils encourent donc des frais non négligeables, notamment lors de certaines cérémonies et activités collectives dont ils assument la direction. Et sans nécessairement interpréter ce système des charges, des cargos, comme on dit dans le monde andin et dans le monde mésoaméricain aussi, comme un dispositif délibéré de nivellement économique, comme l'ont proposé jadis certains chercheurs, il est certain qu'il n'est pas favorable à l'émergence de disparités de richesse. À Chipaya, ces disparités de richesse sont extrêmement faibles et elles se distribuent indépendamment de la structure quadripartite. En revanche, l'organisation dualiste elle-même implique un ordre classificatoire des moitiés et des quartiers organisé autour d'une série de couples dont le premier terme est doté d'une prééminence symbolique sur l'autre. Autrement dit, l'Est est supérieur à l'Ouest, la droite est supérieure à la gauche, le masculin est supérieur au féminin, le haut est supérieur au bas. De cette façon, la moitié Tuanta, qui est à l'est et à droite, est prééminente par rapport à la moitié Tahata, qui est à l'ouest et à gauche, tandis que le quartier Ushata, donc à l'intérieur de chaque moitié, le quartier Ushata qui est à l'est de l'est, prévaut sur le quartier Waruta, qui est à l'ouest de l'est, et le quartier Tuancharta, qui est à l'est de l'ouest, prévaut sur le quartier Taracharta, qui est à l'ouest de l'ouest. Ce sont des prééminences symboliques, mais qui sont néanmoins constamment réaffirmées, notamment dans l'espace. Les non-humains n'échappent pas à cette répartition segmentée. En premier lieu, chaque Ailou délimite, aménage et distribue annuellement en son sein les champs de quinoa et les pâtures à cochons grâce à des travaux d'endiguement, d'irrigation et de drainage effectués dans sa portion du territoire et sans jamais solliciter pour ce faire la collaboration de la moitié opposée. Il faut examiner cela d'un peu plus près. Le territoire Chipaya, je l'ai dit au début, est gorgé de sel. De sorte que l'agriculture, comme l'élevage, n'y sont possibles qu'à la condition de canaliser l'eau et de la répartir dans des zones d'inondation afin de lessiver le sel. En outre, c'est une zone parfaitement plate. Et l'amorce de Rio Lauca coule au nord, et les rivières ensuite obliquent et se jettent dans le lac Coipasa. De sorte que le cours capricieux de ces rivières sur un territoire parfaitement plat doit être régularisé dans le tracé comme dans le débit par de constants travaux de terrassement, de drainage et d'endiguement. Et l'essentiel de l'aménagement consiste à capter l'eau des rivières pour l'amener par des canaux de dérivation dans des lacs artificiels et temporaires, enserrés dans des digues où cette eau va stagner pendant environ 6 mois, de mai à septembre, avant d'être évacuée par un canal vers le lac Copaïsa, en même temps que le sel qu'elle charrie. Et sur le lac asséché, dans la terre ainsi lavée du sel, il est désormais possible de semer de la quinoa dans des lots qui sont alloués chaque année à un chef de famille à l'intérieur de chaque ailou. Et au terme de l'année agricole, en avril, le sol s'appauvrit, tandis que le sel remonte. Il faut alors transférer la culture sur un autre terrain qui lui-même est préparé par une autre phase d'inondation. Donc il s'agit d'un cycle de rotation des cultures qui est fondé sur l'ennoiement régulier des terrains, puisque les lacs artificiels doivent se succéder de façon qu'une zone cultivable soit disponible chaque année pour les semailles. Or, chaque moitié, chaque ailou donc, organise pour son propre compte, sur son territoire, son propre cycle d'inondation et de mise en culture. En premier lieu, chaque moitié capte l'eau du Rio Lauca en un lieu différent. La moitié Tuanta le capte en amont, ici, tandis que la moitié Tajata capte l'eau ici. Et cette eau est ensuite dérivée par des canaux dans des zones d'inondation que j'ai représentées ici. Les zones d'inondation sont elles-mêmes gérées par chaque moitié séparément. L'ailou Tuanta, la moitié Tuanta, dispose de 3 terrains de culture inondables et l'ailou Tajata en compte 4, tous mis en valeur séparément dans des cycles de 3 ou 4 ans entre lesquels s'intercalent des périodes de repos d'une dizaine d'années. Les travaux d'irrigation sont accomplis collectivement par chaque moitié, par chaque ailou, pour leur propre compte, dans leur propre territoire, et jamais, jamais, les deux moitiés ne s'entraident dans ce travail. Et la dualité du système d'irrigation est ici rendue manifeste par le fait que leurs sources sont indépendantes l'une de l'autre, et malgré l'enchevêtrement hydrographique, aucun bras, aucun canal ne relie les deux réseaux qui demeurent parfaitement parallèles et complètement étanches l'un par rapport à l'autre. Si ces réseaux d'irrigation des deux moitiés, de Tuanta et de Tajata, sont bien indépendants l'un de l'autre, ils obéissent néanmoins au même principe d'organisation. Il s'agit d'abord d'un circuit que l'on ouvre ou que l'on ferme pour faire circuler des eaux, avec dans chaque cas un lac permanent servant de déversoir et de régulateur de niveau. Dans les deux cas aussi, l'ailou constitue l'unité fondamentale à la fois pour l'organisation des travaux collectifs d'irrigation et pour tout ce qui concerne les décisions à propos de la gestion des eaux. C'est également l'ailou, donc chaque moitié, qui contrôle l'allocation des terres cultivables, de ses membres bien sûr, et c'est un processus qui est répété tous les ans, car les surfaces et les contours des lacs temporaires varient inévitablement d'un cycle à l'autre, de sorte que, sur un même terrain cultivable, l'emplacement des parcelles ne se superpose jamais exactement. Chaque année, en septembre, au début du cycle agricole, les membres de chaque aïlou se réunissent donc sur les lieux des futurs semailles pour procéder à la répartition des lots de culture à chaque chef de famille. Tous reçoivent la même quantité de terre, indépendamment du nombre de leurs enfants, et les résultats de la répartition qui sont menés par l'alcalde de chaque moitié, donc le chef désigné pour un an, ces décisions, ces répartitions ne sont jamais remises en question. Au système de drainage destiné à rendre des terrains cultivables s'ajoute le drainage partiel tous les ans des deux lacs qui servent de déversoir au réseau hydrographique de chaque moitié, lac dont la partie asséchée découvre une plante aquatique dont le tubercule est apprécié par les cochons qu'élèvent les Chipayas. Là encore, les digues sont construites collectivement par les membres de l'un et l'autre aïlou, quoique les troupeaux de cochons qui sont laissés à divaguer sur la pâture commune appartiennent individuellement au chef de famille qui édifie pour les abriter de petites huttes en mode de terre. Entre les deux moitiés, en revanche, l'élevage est strictement séparé. Les animaux de Tarata ne peuvent aller paître dans le territoire de Tuanta et inversement. Et en cas d'infraction, le propriétaire du cochon responsable, qui est identifié par les marques que porte l'animal, doit payer une amende à la moitié lésée. Les Chipayas pratiquent enfin une forme d'élevage extensif de moutons et de lamas autour des hameaux qui sont épisodiquement occupés et que chaque chef de lignage maintient de chaque quartier, maintient dans son territoire. Chaque chef de famille dispose en effet d'une maison au village dans le quartier qui lui correspond et de huttes dans un hameau où il passe l'essentiel de la saison des pluies de décembre à avril à veiller sur les troupeaux. Et de même que pour les cochons, si les animaux qui divaguent autour des hameaux s'aventurent jusque dans le territoire de l'autre aïlou, le propriétaire devra payer une amende. Alors, une chose saute aux yeux au vu de ce bref exposé des rapports à la terre chez les Chipayas. Ces gens partagent bien un même territoire, mais ils le partagent au sens strict, en ce que chaque aïlou est absolument maître chez lui. Les deux moitiés se répartissent équitablement l'espace, tant au sein du village que dans sa périphérie cultivable. Elles ont chacune mis sur pied un système d'irrigation autonome. Leurs terrains de pâture sont nettement séparés. Elles sont représentées par des autorités distinctes et indépendantes. Et même l'église commune, est divisée en deux parties. Alors, c'est vrai que le dualisme est une caractéristique ancienne des communautés andines, on en a vu des exemples au cours des leçons précédentes, et il est fondé sur une logique segmentaire d'opposition complémentaire qui peut prendre parfois des formes violentes et aboutir à des affrontements physiques. Mais du fait de l'isolement des Chipayas, et du fait aussi de leur faible nombre, ce collectif clivé en son sein prend néanmoins plus de relief que d'autres. D'où la question qui vient d'emblée à l'esprit, qu'est-ce qui fait totalité chez les Chipayas? Est-ce leur juxtaposition dans un même espace? Mais ils semblent seulement y cohabiter. Peut-être la langue qu'ils parlent, le Pukina, que personne d'autre ne comprend dans la région, puisque les voisins sont des locuteurs d'Aymara, ou bien les rituels pour lesquels ils sont parfois assemblés, ou le fait qu'ils sont collectivement traités comme des rebuts par les Aymara, c'est l'expression qu'emploient leurs voisins Aymara, ce sont des déchets. Ou encore le paysage qui les habite, cette espèce d'étendue plates et luisantes de sel, par endroits sur laquelle se détachent à peine, vu de loin, les petites maisons d'adobe. Mais ce milieu si singulier, d'abord parce qu'il est parfaitement plat dans un environnement de haute montagne, ce milieu si singulier, il est segmenté en secteurs bien compartimentés dans lesquels on ne s'aventure pas si l'on n'est pas de la bonne moitié. Alors, est-ce le village de Chipaya qu'il partage ? Bien sûr. Mais ce village, il est divisé en quartiers dont chacun constitue comme un microcosme. De France et France Culture vous présente l'anthropologue Philippe Descola, les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui les Chipaya de Bolivie. Alors, pour mieux comprendre ce qui fait totalité, il faut à présent se tourner vers le rapport à la terre tel qu'il est établi par l'intermédiaire de ces non-humains d'un genre particulier que sont les divinités et les esprits. Car les diverses sortes de divinités se voient aussi partagées de façon équitable entre les sous-ensembles de Chipaya et plus particulièrement les divinités qui résident dans les silos et dans les malcous. Alors les silos, c'est un terme qui vient de l'espagnol cielo, le ciel, sont de petits oratoires voués à des saints qui sont alignés à intervalles réguliers le long de quatre lignes droites orientées selon les points cardinaux et qui dessinent sur le territoire une sorte d'immense croix dont le village occupe l'intersection. Ce sont des petits édifices. Et la référence de ces oratoires à des valeurs en apparence chrétiennes s'efface en partie si l'on admet la suggestion de Nathan Vachtel que les alignements de silos suivent en fait le même principe que le système des séqués du Cusco à l'époque incaïque et que tout comme le système des séqués, mais évidemment à échelle réduite, ils sont liés au culte solaire. Donc, je vous rappelle que le système des séqués formait un ensemble de 41 lignes imaginaires irradiant du temple du soleil sur lequel étaient disposés 328 sites sacrés, on appelle des huacas dans le monde andin, un dispositif donc qui ordonnait l'espace géographique, social et rituel de la capitale d'un empire conçu par ses dirigeants comme un système cosmologique et qui servait en outre, je le rappelle, à découper le temps. Il s'agissait véritablement d'un calendrier inscrit sur le sol. Or, il en est de même, à une échelle évidemment beaucoup plus modeste, avec les alignements des silos. Les saints sont en effet fêtés, les saints de chaque silo sont fêtés dans une succession régulière, quartier après quartier, suivant une rotation qui embrasse l'année entière dans le sens des aiguilles d'une montre. L'été, saison des pluies étant associée à Tuanta, et l'hiver, une saison sèche et très froide d'ailleurs, étant associée à la moitié Tachata. Le culte des silos représente la partie, on peut dire, céleste, des relations que les Chipaya s'entretiennent avec leur divinité. L'autre partie, qui est une partie typiquement andine, rassemble les éléments qui se rattachent à la terre et s'organise autour du culte des Malku, M-A-2-L-K-U, qui sont des divinités chthoniennes, mâles et individualisées, qui cohabitent ou qui habitent en compagnie de leurs épouses dans des petits monuments coniques en adobe appelés pokhara. Ces petits monuments, les pokhara, mesurent entre 80 cm et 1 mètre de haut et comportent une petite ouverture qui est toujours située vers l'est, à peu près à mi-hauteur, et qu'on désigne comme étant la bouche du Malku, où l'on dépose des offrandes lors de la fête de la divinité. Chaque moitié célèbre ses propres Malku, au nombre de 4, les pokhara qui leur correspondent étant répartis dans l'espace entre les quartiers. À cela s'ajoutent des pokhara qui sont dédoublés entre les moitiés, mais où siègent deux Malku qui sont communs à tous les Chipaya, Marka Koyu, qui est une divinité femelle assimilée à la Pachamama, à la terre-mère, et Lauka Malku, qui est une divinité mâle de l'eau terrestre. Et enfin, le Malku le plus important, le Malku suprême, si on peut dire, c'est le Torre Malku, et il est partagé par les deux moitiés, et ce n'est rien d'autre que la tour de l'église, au sommet de laquelle, lors du carnaval, sont pratiqués des sacrifices et déposés des offrandes, exigeant, et c'est un cas unique, la collaboration entre les deux moitiés. Alors, les Malku, ils sont un peu analogues aux divinités montagnes des Aymara, dotées, tout comme ces divinités, d'une intériorité agissante, et c'est probablement, au fond, parce que le plateau désolé où les Chipaya furent jadis refoulés et dépourvus d'élévation, qu'il leur a fallu élever ces substituts miniatures que sont les pokhara. On peut dire que ce sont des montagnes miniatures, d'une certaine façon. Sans trop entrer dans le détail des rituels incroyablement complexes et minutieux qui se déroulent dans chacun de ces sites, les silos et les Malku, il faut néanmoins en dire un mot pour comprendre la place centrale que jouent les divinités locales dans le rapport que les Chipaya entretiennent avec leur territoire. Parce que la fonction première des rites est de mettre la multitude des divinités Chipaya en rapport les unes avec les autres, de les faire travailler ensemble. Et l'assignation des divinités à des unités sociales, à des subdivisions et des régions de l'espace, à des périodes de l'année, à des spécialisations techniques, découpe en effet une économie liturgique ayant pour effet de mobiliser à l'époque idoine et à la charge d'un sous-ensemble d'humains à chaque fois différent, la cohorte des non-humains directement concernés par l'activité dominante du moment. Car chaque espèce de divinité est plus spécialement investie d'une fonction d'intermédiation avec telle ou telle portion ou telle population du cosmos dont le recours est requis dans l'un de ces quatre grands domaines de l'intervention humaine, eux-mêmes très localisés, que sont l'agriculture, l'exploitation des ressources lacustres, l'élevage et la chasse, et qui se déroule évidemment à chaque fois dans des lieux différents et avec des populations de non-humains différentes. Les Chipaya sont des grands adeptes des messas. C'est une pratique qui est commune dans toute la région andine, mais aussi dans la région mésoaméricaine. Ce sont des sortes d'autels qui sont dressés par les Chipaya à tout moment, pour honorer leur divinité, pour leur demander des faveurs, pour les remercier au terme d'une période durant laquelle ils ont assumé une charge publique, pour assurer la santé et l'abondance de leurs troupeaux, pour capturer les vents et pour mieux contrôler ainsi leurs effets, pour pratiquer des exorcismes. Les messas se composent d'une ou de plusieurs pièces d'étoffe qui sont étalées sur le sol, à proximité de l'entité que l'on entend influer, et sur le tissu sont disposées des coupelles en nombre variable de 2 à 36, qui sont accompagnées parfois de couples plus grandes, et tous ces récipients accueillent des ingrédients dont les fonctions et les destinataires sont précisément établis. Alors, les Chipayas ont une théorie très précise sur les substances qui font fonction d'offrande. Il y a des pierres de diverses sortes qui servent à frotter les coupelles ou que l'officiant prend dans sa bouche. Il y a des minerais qui s'adressent soit aux saints et au ciel, soit aux divinités d'en bas. Il y a du maïs sous deux formes, en grains et en épis pour la Pachamama, et moulu afin de confectionner des préparations qui s'emploient toujours en combinaison avec d'autres ingrédients comme offrande à un grand éventail de divinités. Viennent ensuite d'autres plantes qui s'emploient soit en fumigation, par exemple l'encens pour les saints et le ciel, le copal pour les malkus et la Pachamama, ou bien qui s'emploient ces plantes au naturel, c'est la coca qui est le don par excellence, c'est la quinoa sauvage pour les défunts, c'est l'anis pour les offrandes au Rio Lauca, et à cela s'ajoutent toutes sortes de produits animaux, des plumes, des graisses animales qui sont moulées en cônes pour la Pachamama, et enfin viennent des produits qui sont fabriqués alors spécifiquement par les humains pour ces circonstances, notamment les pastelillos, ce sont des pains de sucre qui portent des différentes figures, mais qui sont employés moulus dans les offrandes. Ce sont des petits bonbons aussi qu'on appelle des confettis et évidemment des boissons alcoolisées. Donc les substances disposées sur les messas sont ainsi des sortes de connecteurs. Ce sont, si vous voulez, des prises multiples de différents types qui permettent d'assurer tous les branchements nécessaires entre les humains et la multitude des divinités dont ils dépendent. Et en ce sens, les ingrédients des tables rituelles réalisent le même genre d'opération que le sacrifice qui les précède ou qui leur succède, puisque, je l'ai souvent dit, le sacrifice est une autre caractéristique de ce que j'ai appelé des ontologies analogistes, de sorte qu'il n'est guère surprenant de voir combiner le sacrifice à l'usage des messas. Comme l'écrit Vachtel, pour les Chipaya, je le cite, « Le monde est un champ immense de force et de flux où tout fait écho à tout. » Encore faut-il que les humains puissent canaliser cet écho. Et ils le font par le travail du rite afin de susciter une coopération réglée entre les divinités hétérogènes et qui sont réparties, tout comme eux, dans des segments nettement séparés du grand collectif qu'ils forment tous ensemble. Donc les saints, ces divinités célestes qui habitent les silos, les vierges, qui sont des entités plus discrètes sous la protection desquelles tout site, tout lieu dit est placé, la Pachamama, la divinité de la terre par excellence, qui concentre en elle toutes les vierges, les malkus, qui sont ces divinités chthoniennes qui résident dans les pokharas, les samiri, qui sont les esprits protecteurs des animaux domestiques, la plupart du temps incorporés dans des pierres, les aukala, qui sont les esprits gardiens du gibier aquatique, et d'autres puissances encore, dont les Chipaya tentent de se concilier les faveurs, tous ces êtres ont un domaine spécialisé. C'est aux saints que l'on s'adresse pour faire pleuvoir, c'est à certains malkus que l'on demande la régulation du réseau hydrographique, c'est aux vierges et à la Pachamama que revient d'aider la croissance des plantes, C'est à d'autres Malkou encore et à certains Samiri de protéger les troupeaux, à d'autres Samiri encore de favoriser la chasse, etc. Toutefois, pour obtenir le résultat escompté, il faut pouvoir susciter, par le rituel, l'association de plusieurs divinités. Une bonne récolte de quinoa exige non seulement une pluie abondante, mais encore la générosité de la Pachamama et aussi la bienveillance de certains Malkou. Comme l'écrit Nathan Vachtel, le rituel a donc pour objet de faire dialoguer entre elles les divinités afin que l'univers, je continue la citation, soit en harmonie avec lui-même. Chaque lignage, chaque quartier, chaque moitié fait sa part des rituels en espérant que les divinités fantasques auxquelles ils s'adressent, celles du ciel, celles de l'inframonde, celles de l'eau, celles de la terre, celles des animaux et celles des plantes, ces divinités vont accepter de parler entre elles, pour reprendre une expression d'un informateur de Vachtel. Et c'est cela qui est espéré dans le rituel, que les humains puissent susciter par leurs offrandes et par leurs suppliques, une collaboration entre des divinités toutes singulières, éparpillées dans des champs d'action et dans des milieux de vie bien contrastés, associées qu'elles sont à des segments humains tous différents. Et c'est à cette condition, lorsque les divinités dialoguent entre elles, que la complémentarité bénéfique des non-humains viendra redoubler et rendre efficaces les efforts que les Chipaya déploient eux-mêmes dans l'espoir de se compléter en dépit de leurs différences internes. Mais il me semble que la situation en Chipaya va au-delà de cette ambition de coordonner des actions humaines et non-humaines par le biais du sacrifice, puisqu'il faut en outre parvenir à ce que les divinités qui sont séparées dans l'espace, séparées dans leur champ d'intervention, s'accordent entre elles pour obtenir un résultat bénéfique pour les humains. Il s'agit donc non seulement de fomenter la coactivité des humains et des non-humains, mais aussi des non-humains entre eux. Et pourtant, même si l'opération réussit, même si la pluie tombe au bon moment, même si les troupeaux trouvent leur pitance là où il faut, au bon moment, la coordination des actions reste partielle, puisque c'est une partie du collectif seulement qui, dans le cas Chipaya, s'y engage, c'est-à-dire une partie, c'est au maximum l'un ou l'autre Aïlou de chaque moitié, sous la responsabilité de ses autorités propres. Alors, où se situe le principe de totalisation qui permet au collectif d'exister comme un tout et non comme la juxtaposition de segments d'humains et de non-humains? Par quels moyens les puissances non-humaines disséminées dans le territoire de Chipaya vont-elles s'engager dans un travail de coalescence au bénéfice de tous? Comment faire dialoguer ensemble toutes ces singularités qui n'ont pas l'habitude de se parler? À la différence du Tawantinsuyu de l'Empire Inca, il n'y a pas ici un souverain divinisé qui est réuni dans sa personne toutes les perspectives, qui rassemble tous les points de vue à partir d'un foyer unique. Le corregidor, je l'ai dit, qui est une sorte d'autorité suprême, il n'est qu'un représentant de la communauté vis-à-vis de l'extérieur, il n'est pas du tout un principe de totalisation. Toutefois, l'analogie entre le système des silos et le système des sekes incaïques nous indique une piste. La personne centrale n'existe pas dans le cas Chipaya, mais la centralité, elle, est bien présente. Et la centralité, c'est la tour de l'église de Chipaya. Elle présente l'aspect d'une immense pokhara, Et elle est d'ailleurs surmontée d'un monument conique que coiffe une croix, et elle est en réalité le plus grand des Malcous, le Torre Malcú. Et c'est à son sommet que le dimanche de carnaval se réalise le seul rite qui réunit les deux moitiés de Chipaya en la personne des deux alcaldes et des spécialistes rituels qui les assistent dans chacun des aïlous. Alors, il serait fastidieux d'entrer dans le détail des cérémonies qui se déroulent dans la tour et dans l'église à cette occasion. Un bref aperçu suffira à montrer que ce sont des cérémonies qui, bien qu'elles se déroulent dans une église, sont assez peu chrétiennes. En premier lieu, à l'intérieur de l'église, la disposition des fidèles diffère de l'habitude. Au lieu de se distinguer par moitié et à l'intérieur de chaque moitié par sexe, comme on l'a vu tout à l'heure, la congrégation ne se distingue plus que par le sexe. Tous les hommes des deux moitiés se placent d'un côté, toutes les femmes se placent de l'autre. Le Torre Malcú, donc la tour, le centre de tous les centres, a lui-même son centre. C'est la plateforme de la tour, le lieu le plus sacré de l'espace Chipaya, selon les mots de Nathan Vachtel. C'est là qu'est pratiqué le sacrifice de carnaval. Les deux alcaldes, donc les représentants politiques et rituels de chacune des deux moitiés, offrent chacun un mouton, un lama et un porc, et le sang est répandu en libation sur les offrandes déposées dans deux coffrets correspondant chacun à une moitié. Au-dessus de la plateforme, quatre cloches sont suspendues face aux ouvertures tournées vers les points cardinaux. La cloche de l'Est appartient au quartier Ushuaia de la moitié Tuanta, celle du Sud au quartier Huaruta de la même moitié, tandis que la cloche de l'Ouest appartient au quartier Tahachacta de la moitié Tahata et celle du Nord au quartier Tuancharta de la même moitié. Chacune des cloches rassemblées sur cette plateforme constitue le point de départ de l'une des quatre lignes d'oratoire, silos, propres à chacun des quartiers, et ainsi réunies, elles concentrent dans cet espace qui est minuscule et surélevé l'ensemble des puissances célestes qui veillent sur le territoire de Chipaya. Les deux coffrets, qui demeurent en permanence sur la plateforme, contiennent des objets rituels habituels, de l'alcool, la cigarette, des cigarettes, de la coca, etc. Mais ils abritent en outre deux objets différents qui sont propres à chaque boîte. Ce sont des pastelillos, des pains de sucre, dont l'un de forme carrée et portant le dessin d'un cœur est appelé Malcú et se trouve toujours à droite dans le coffret de la moitié Tuanta, tandis que l'autre, rond et sans dessin, est appelé Tala et se trouve toujours à gauche dans la boîte de Tahata. Et avant le sacrifice, les alcaldes de chaque moitié renouvellent les objets rituels des coffrets en respectant une alternance entre moitiés. Autrement dit, une année, chacun dépose des objets dans sa propre boîte, tandis que l'année suivante, le dépôt est croisé en chiasme. C'est l'alcalde de Tuanta qui dépose les objets rituels dans le coffre de Tahata et vice-versa. Pour banale qu'elle puisse paraître, cette opération qui dure à peine quelques secondes est fondamentale, car c'est absolument le seul cas d'un échange de services entre les moitiés. Et il n'est évidemment pas indifférent que cet échange se déroule sur la plateforme de la tour, qui confirme ainsi la position centrale de celle-ci dans l'architecture segmentaire de Chipaya. Donc avec ses cloches et ses coffrets, le Torre Malcú est le seul médiateur entre tous les termes du système, le seul qui intègre le ciel et la terre, c'est-à-dire les silos et les malcous, le seul qui fait coopérer les moitiés et les quartiers, car il associe et il englobe à son échelle réduite l'ensemble des catégories qui structurent cette complexe topologie ontologique. Deux coffrets dont le responsable alterne d'une année sur l'autre et quatre cloches qui sont orientées vers les points cardinaux, ça peut paraître dérisoire comme mécanisme d'intégration des différences. Mais c'est oublier la dimension spatiale. À Chipaya comme à Cusco, dans une église en adobe ou au toit couvert de chaume, ou dans un temple à l'appareillage cyclopéen, c'est la centralité d'un site dans lequel des opérations de totalisation sont menées qui le met en situation d'ordonner une structure sociocosmique dont il devient le point déterminant. Donc le Toremalcu et le Temple du Soleil sont l'un comme l'autre les foyers d'un réseau de coordonnées et d'emboîtements qui fait tenir ensemble les segments humains et non humains du collectif, de sorte que la totalité peut être représentée à partir d'un point de vue, même si c'est pendant un rite peu spectaculaire, de courte durée et une fois par an. L'existence d'un agent humain pour synthétiser les singularités dont le collectif est composé n'est donc pas indispensable, pourvu que les rites de complémentarité qui se substituent à cet agent et le site central qui définit sa position continuent à jouer leur rôle de totalisation pour tous les éléments du collectif et pourvu aussi que les membres humains, en tout cas de ce collectif, continuent à avoir conscience du rôle intégrateur que ce mécanisme remplit. C'est pourquoi la question démographique importe quand même dans un tel cas. Non pas du fait que des collectifs analogistes à fort effectif de population auraient nécessairement besoin d'un roi sacré pour assurer leur totalisation. On a vu que des sociétés segmentaires très populeuses s'en dispensaient fort bien. Mais parce que la capacité d'intégrer des segments autonomes par des opérations de condensation symbolique menées en leur centre suppose que les membres de ces segments aient conscience de ce qui se passe dans ces opérations et y consentent. Et c'est beaucoup plus facile à obtenir dans un micro-collectif isolé comme Chipaya que dans l'Empire Inca, lorsque vous vous trouvez dans le nord de l'équateur, ce qui se passe dans le Temple du Soleil à Cusco, c'est très lointain. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 22 mars 2017 Philippe Descola, Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui les Chipayas de Bolivie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Descola. Je rappelle son livre « Par-delà nature et culture » en 2005 chez Gallimard, ainsi que son livre d'entretien avec Pierre Charbonnier « La composition des mondes » chez Flammarion en 2014. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France, réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Meneghetti. Demain, nous achèverons en compagnie de Philippe Descola notre exploration des collectifs analogistes andins dans leur rapport à la Terre. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.